L'histoire des sciences est faite de noms légendaires et de grands oubliés. Édouard Chaton aurait pu figurer sur la liste de ces oubliés, mais la redécouverte de ces planches biologiques esthétiquement et scientifiquement saisissantes en a voulu autrement. Auteur au début du XXe siècle de découvertes fracassantes sur un monde invisible sidérant de diversité, le monde des protistes, Édouard Chaton a toute sa vie durant été l'explorateur acharné de cette terra incognita biologique, posant au passage les distinctions de premier ordre dans la classification du vivant. C'est donc à la découverte d'un découvreur de talent que nous partirons aujourd'hui, au fil d'un récit qui alliera la méthode à l'invention, en passant par la beauté, tout simplement. Les mondes invisibles d'Édouard Chaton, c'est l'histoire biologique que nous allons vous raconter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette figure qu'est Édouard Chaton, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Catherine Jessu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au sein du laboratoire de biologie du développement à l'Institut de biologie parisienne de Sorbonne Université. Nous sommes également en ligne depuis le Japon. Merci beaucoup d'avoir veillé avec Vincent Laudet. Bonsoir. Bonjour. Je ne sais pas comment le dire. Eh ben bonsoir. Bonsoir pour vous. Vous êtes professeur de biologie marine à l'Institut de sciences et technologies d'Okinawa au Japon et à l'Académie Sinica à Taïwan. Et vous avez été directeur de l'Observatoire de biologie marine de Banyuls, observatoire qu'Édouard Chaton a dirigé. Et par ailleurs, vous êtes tous les deux auteurs d'un très beau livre publié aux éditions du CNRS intitulé « Les vies minuscules d'Édouard Chaton » qui nous servira de fil rouge au cours de cette émission. Mais avant de retracer cette belle histoire, il est l'heure de retrouver celle qui chaque jour observe au microscope le bouillonnement de la vie scientifique. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature, selon laquelle un cinquième des espèces de reptiles est menacée d'extinction. Oui, pour la première fois, nous avons enfin une évaluation des risques d'extinction qui pèsent sur les reptiles. Et ce risque est beaucoup plus grave que nous ne le pensions. Alors si nous n'avons une évaluation que maintenant, c'est que dans la recherche, il est plus facile d'obtenir des financements pour étudier des espèces emblématiques, comme l'ours blanc, que pour étudier la couleuvre à collier de France. Alors les risques d'extinction, on les connaît pour les autres tétrapodes. Tétrapodes, pardon, 40% des amphibiens qui risquent de disparaître, 25% des mammifères et 13% d'oiseaux. Et selon cette étude réalisée par plus de 900 chercheurs, sur les 10 100 espèces de reptiles, 21% risquent de s'éteindre. 2150 espèces sont concernées par ce risque, et en particulier les crocodiles et les tortues. Les menaces qui pèsent sur les reptiles, c'est simple, ce sont les mêmes menaces qui pèsent sur tous les autres animaux. Marion Segal est chercheuse postdoctorante et spécialiste des reptiles au Muséum National d'Histoire Naturelle de Londres. Ce risque d'extinction, il est lié principalement à la fragmentation des habitats et à la perte des habitats qui sont causés par l'agriculture notamment, par la déforestation et par l'urbanisation. À ce détail près, qui a son importance, c'est que les reptiles sont fortement dépendants de la température extérieure. Alors là, dans l'étude, on ne parle pas spécialement de la hausse des températures. C'est très factuel sur la perte d'habitat, la fragmentation, etc. Mais le changement climatique, qui va induire notamment une augmentation des températures, va poser un gros problème pour les reptiles parce que donc leur température interne est dépendante de la température extérieure. Donc les températures voilà, sont très très importantes pour les reptiles. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas tout à fait traité dans l'article, mais qui est très important aussi à prendre en compte. Il y a une carte dans cette étude qui, moi, m'a un peu surprise, qui montre que ce soit reptiles, mammifères, oiseaux ou amphibiens, ils ne sont pas plus menacés les uns que les autres en fonction des zones géographiques. Alors, cette carte, elle m'a un peu choquée parce que je me suis dit que mince, peut-être que ça allait réduire l'importance qu'on allait donner à la conservation. Mais en fait, ce qu'elle montre vraiment, cette carte, c'est que tous les groupes de tétrapodes sont menacés de la même façon sur toute la surface du globe. Donc, il n'y a pas vraiment de priorité à sauver les mammifères par rapport aux reptiles. Ils sont vraiment tous en danger. Il faut vraiment s'intéresser à ce sujet. Et donc là, ce que l'étude montre, c'est qu'on peut très bien utiliser des études qui ont été réalisées ou des suivis réalisés sur les oiseaux, les mammifères, pour estimer le risque sur les reptiles. pourquoi c'est important, mais les reptiles, ils occupent tout un tas de rôles dans les écosystèmes. Il y a les reptiles qui sont des prédateurs apicaux, c'est-à-dire que c'est eux qui vont vraiment se retrouver au bout de la chaîne alimentaire, tout en haut. Mais ils vont aussi constituer des proies pour beaucoup d'animaux, notamment des oiseaux. Donc les diminutions des espèces de reptiles, ça va avoir un impact sur tous les écosystèmes, en fin de compte. Et les reptiles ont aussi cette particularité, contrairement aux autres tétrapodes, c'est qu'ils occupent tous les habitats, en fin de compte. Il y a des reptiles arboricoles, aquatiques, fouisseurs. Donc, il faut s'y intéresser dans les efforts de conservation parce qu'ils font partie intégrante de l'écosystème, qu'on les aime ou pas. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que les suivantes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Hier, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a saisi la justice et engage des poursuites contre l'IHU de Marseille dirigé par Didier Raoult. Oui, suite aux enquêtes de Mediapart et de L'Express, l'ANSM menait une investigation à l'IHU de Marseille depuis novembre dernier. Elle a remis hier ses conclusions et a saisi une nouvelle fois la justice et engage des poursuites à l'encontre de l'Institut marseillais. Le rapport dénonce des manquements graves aux règles éthiques et aux réglementations scientifiques. L'IHU aurait notamment mené des essais cliniques sans avoir mis en place un comité de protection des personnes, ce qui est obligatoire. Les sanctions encourues sont de l'ordre administratif, financier, ordinal et pénal. L'ANSM a également annoncé qu'elle poursuivait son enquête. Et nous reviendrons donc plus longuement sur ce sujet demain dans notre débat du vendredi. En bref, toujours, selon un rapport publié hier par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, il existe un risque de flambée épidémique de rougeole. Oui, les conditions actuelles y seraient favorables. Autre effet collatéral du Covid-19, la crise sanitaire a ralenti à l'échelle mondiale la vaccination contre cette maladie mortelle infantile extrêmement contagieuse. Entre janvier et février 2022, les cas de rougeole ont bondi. 17 338 cas ont été repérés, des chiffres qui sont sûrement sous-estimés, alors qu'en 2021, à la même période, il n'y en avait que 9 600. C'est une augmentation de 80% avec 21 épidémies de rougeole importantes en 12 mois. Ce rebond est un signe des lacunes dans la couverture vaccinale mondiale. L'UNICEF et l'OMS craignent l'apparition d'épidémies de rougeole beaucoup plus graves. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Journal of Neuroscience, pour lutter contre les pensées indésirables, le cerveau utilise ce qui s'apparenterait à un système d'alarme. Et quelle est la mécanique cérébrale pour stopper les souvenirs intrusifs? Pour répondre à cette question, une équipe chinoise a mené une expérience avec une vingtaine de participants. Ils devaient mémoriser un ensemble de mots pour ensuite s'en souvenir ou s'efforcer de ne pas s'en souvenir. Pendant ce temps, des analyses simultanées par électroencéphalogramme et par IRM ont enregistré leur activité cérébrale. Alors lorsqu'il fallait ne pas se souvenir d'un mot, le cortex singulaire antérieur, une région du cerveau impliquée dans le contrôle cognitif, s'active pour transmettre un signal au cortex préfrontal dorsolatéral, une région clé pour la mémoire. Alors selon les auteurs, le cortex singulaire antérieur est capable de détecter l'émergence de pensées indésirables. Ces résultats pourraient avoir des implications pour traiter la dépression ou les troubles obsessionnels compulsifs. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. Pour caractériser ses premières observations de la multitude des protistes, Édouard Chaton parlait de révélation d'un monde nouveau. Véritable terra incognita de la biologie au début du XXe siècle, les protistes ont été au cœur des recherches du grand biologiste et lui ont permis de poser des distinctions théoriques de premier plan dans les classifications du vivant. Le livre de nos invités, Catherine Jessu et Vincent Lauder, rend hommage à Édouard Chaton et dans le même temps expose sa méthode scientifique, une méthode qui conjugue invention et rigueur, souvent à contre-courant de la doxa scientifique alors en vigueur. Nous allons donc tout au long de cette heure détailler cette histoire et nous allons également parcourir visuellement par les oreilles ces planches merveilleuses qui font aussi bien état d'une grande exigence scientifique que d'une fascination esthétique pour la diversité du vivant. Mais avant cela, je vous propose d'écouter une brève archive, on y entend le collaborateur d'Édouard Chaton et prix Nobel français André Lvoff. C'était en 1976 au micro de Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie. J'ai choisi de travailler sur les protozoaires, sur les infusoires, parce que je me suis trouvé au laboratoire de biologie marine de Roscoff, où j'ai rencontré un éminent protozoologiste, qui était d'ailleurs un ancien pasteurien, Édouard Chaton, et qui m'a associé à ses recherches. Il travaillait sur les infusoires, je me suis mis à travailler avec lui et j'ai beaucoup aimé ces animaux. Voilà une archive plus brève que d'habitude, Catherine Jessu. Quand on a cherché des archives concernant Édouard Chaton, on en a trouvé très peu. Finalement, est-ce que c'est un petit peu à l'image de l'état des connaissances de la communauté sur ce pourtant très grand biologiste? Est-ce que c'est une figure de l'ombre de la biologie française? Oui, je pense que c'est devenu une figure de l'ombre, alors que de son vivant, c'était quelqu'un de très modeste, sûrement, mais qui a quand même publié pas mal d'articles et fait des découvertes qui, de son vivant, ont été quand même très très très reconnues, et la communauté des protistologues actuellement connaît encore Édouard Chaton. Mais c'était effectivement quelqu'un de probablement très modeste. En fait, il était passionné par ses recherches sur les protistes. Ça remplissait son temps, si on peut dire. Et donc, ses archives, c'est essentiellement ses articles et des correspondances. Une très grosse correspondance avec André Lvoff. André Lvoff, justement, Vincent Laudet, parlons-en, puisque c'est pas n'importe qui, c'est quand même un prix Nobel. Ça illustre quand même l'influence qu'a pu avoir Édouard Chaton sur toute une communauté scientifique dont ils ont tiré des enseignements. Oui, alors c'est impressionnant parce qu'en fait, Édouard Chaton, toute sa vie, il a été entouré de prix Nobel parce que il a été en contact très étroit avec Charles Nicolle, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur le typhus. Et puis, effectivement, comme vous l'avez dit, c'était le maître d'André Wolff, son directeur de thèse. Ils ont vraiment une collaboration qui est magnifique. Et une amitié toute aussi. Leur vie. Une amitié est très forte. André Wolff, quand il a eu le prix Nobel, a acheté une maison à Banyuls. Ce n'est pas étonnant. Et voilà, il y a beaucoup travaillé et avec Édouard Chaton. Et puis même Jacques Monod a été un des collaborateurs d'Édouard Chaton pendant quelques années. Donc, Édouard Chaton a toujours été entouré de très grands scientifiques et je pense reconnu de son vivant comme un grand scientifique, sans aucun doute. Comment, Catherine Jessu, vous avez été mise sur la piste de ce chercheur? Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que c'était un nom qui vous était familier? Ou bien pas du tout? Pas du tout. Ouais. Oui, c'est ça qui est intéressant. En fait, j'étais au laboratoire Arago, le laboratoire de biologie marine de Banyuls, dirigeait à l'époque Vincent, et Vincent m'a montré les planches de dessins d'Édouard Chaton qui étaient conservés, qui sont toujours conservés en majorité d'ailleurs à la bibliothèque du laboratoire Arago qui dépend de Sorbonne Université. Et là, tous les deux, on était vraiment, mais absolument fascinés par le côté esthétique des planches. Du coup, on s'est renseignés. Enfin, moi, essentiellement, qui ne le connaissais pas vraiment. Je pense que Vincent le connaissait pas depuis très longtemps non plus. Et là, il nous a pas fallu longtemps pour nous apercevoir que cette personne avait été à son époque absolument visionnière, mais vraiment pionnière, et vraiment c'était un découvreur. Du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de lui rendre hommage à la fois à son œuvre scientifique qui est extrêmement originale, avec une méthode effectivement originale, et puis une passion, et puis de rendre visibles ces magnifiques planches qui sont belles simplement. Donc il y avait ce double aspect, et je ne connaissais pas Édouard Chaton avant, c'est sûr. Vincent Laudet, vous souhaitiez réagir? Oui, en fait, l'histoire, c'est que quand j'ai pris la direction du labo de Banyuls en 2015, et en fait, vous voyez, la station de Banyuls, c'est une station marine dans un petit village. Je m'intéressais beaucoup aux relations que les grandes familles de Banyuls avaient avec la station, parce que il y a des familles qui ont vraiment beaucoup tourné autour du laboratoire. Et j'avais demandé à notre bibliothécaire, Sandrine Baudin, de m'organiser des repas avec certains membres de ces familles. Et le premier repas qu'elle m'a organisé, c'est avec les petits-enfants d'Édouard Chaton. Et du coup, on a été voir les planches dans la bibliothèque. Et là, ça a été une illumination. C'est-à-dire, je suis tombé sur ces planches qui sont grandes, elles font 1m60, et extraordinairement colorées, magnifiques. Et je me suis aperçu que je connaissais pas du tout ce bonhomme. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. Et puis, assez rapidement, en 2016, je crois, on a fait une exposition sur le parvis du laboratoire de reproduction des planches. Et alors, ça a été un enchantement général. Pour tout le monde à Banyuls, et puis tous les gens qui sont venus voir ces planches ont découvert quelqu'un et une œuvre qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et donc là, j'ai eu une idée fixe à partir de là, c'était retrouver le plus de planches possible, et puis les publier. Mais ces planches, voilà, ces planches, on en parlera bien évidemment. Ces planches, on va les détailler, on va les décrire parce qu'elles sont vraiment, je disais en introduction, sidérantes de beauté. Et vous en parlez très très bien. On peut peut-être rappeler une chose, Vincent Laudet, c'est que ces planches, elles auraient pu être jetées à la poubelle dans les années 80. Et puis c'est quelqu'un qui s'est dit, ah non non, ça c'est le travail de Chaton, on n'y touche pas. Racontez-nous un petit peu ça. Et ça, c'est toujours un peu la joliesse de l'histoire, des histoires qui se finissent bien. Ouais. Alors ces planches, effectivement, elles ont été faites par Chaton. On sait qu'il y en avait 125 au départ. On en a publié là, on en a retrouvé 72, si ma mémoire est bonne. Et ces planches, effectivement, dans les années 80, elles étaient vraiment dans un grenier poussiéreux. Et c'est des chercheurs du laboratoire qui sont tombés dessus. Et à l'époque, Marie-Odile Soyer, en l'occurrence, qui était protistologue, a dit « Attention, là, il faut vraiment garder ça, c'est très précieux ». Et puis ensuite, on en a au laboratoire une vingtaine à peu près. Qui ont eu des vicissitudes, certaines ont été abîmées, enfin bon, elles ont eu une vie un peu compliquée, et on en a retrouvé une cinquantaine au musée d'histoire naturelle de Perpignan, où là encore, ben, elles dormaient, un peu oubliées, mais très bien conservées. Et donc voilà, on a 72 des 125 planches. Et on va évoquer tout au long de cette heure ce travail de casse-tête un petit peu que vous avez accompli pour les recomposer et puis savoir un petit peu de quoi elle parlait. Mais avant ça, on va faire le portrait de ce grand biologiste redécouvert, Édouard Chaton. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Catherine Jessu, si vous le voulez bien, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu les origines et la formation d'Édouard Chaton ? Est-ce que tout le prédestinait à devenir le grand biologiste qu'il est devenu ? Oui, non. Il est né en Suisse, d'un père suisse, d'une mère française, près de Fribourg. Puis après, il a passé son enfance à Belfort, qui était la ville natale de sa mère, et donc très loin de la mer. Et en fait, il a été, dès sa jeunesse, il s'est passionné pour la biologie, les sciences naturelles, parce qu'il avait un grand-père qui était naturaliste amateur. Et donc, il était passionné, surtout il herborisait, il aimait beaucoup les plantes. Et donc, quand il a eu le bac, il a décidé de venir à Paris, à l'université de la Sorbonne, pour faire une licence de biologie. Donc, on peut dire qu'effectivement, il était attiré par les sciences naturelles. Et à l'époque, donc en 1901, il arrive à la Sorbonne pour faire sa première année de licence. Et la Sorbonne, depuis déjà une trentaine d'années, est équipée de deux laboratoires sur les bords de mer, l'un à Roscoff en Bretagne et l'autre à Banyuls, comme on l'a déjà dit. Et ces deux laboratoires qui dépendent de la Sorbonne sont des vrais laboratoires bien équipés qui accueillent des chercheurs de tous les pays, des professeurs, etc., et des étudiants qui viennent faire des stages pour se former à la faune et à la flore marine. Donc voilà le jeune Édouard Chaton en 1902, il a 19 ans, qui débarque à Roscoff. Et là, effectivement, il a ce dont il va parler comme une absolue révélation. Il éprouve le choc qui va déterminer toute sa vie scientifique. En fait, il pose, comme on leur avait demandé probablement, une petite goutte d'eau de mer sous son microscope et il découvre le foisonnement des êtres microbiens qui pullulent dans cette petite goutte d'eau de mer. Et il est scotché, il est émerveillé par différentes choses, par leur diversité prodigieuse, par leur activité incroyable, et d'ailleurs aussi tout de suite par leur beauté. Il étudie dès ce premier stage un peu ce qui se passe à l'intérieur de ces cellules. Donc c'est des cellules uniques, c'est des êtres vivants formés d'une seule cellule, mais dotés d'un noyau, donc on les appelle les protistes, et certains sont des micro-algues avec des chloroplastes qui font de la photosynthèse, d'autres sont plutôt des protozoaires, donc genre micro-animal, et vraiment, il est émerveillé, fasciné, et il va les étudier toute sa vie, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important toujours pour les chercheurs, c'est d'avoir eu cette espèce de choc émotionnel finalement devant ce qui va être votre objet d'étude. Et donc là, il va effectivement faire une thèse largement à Banyuls sur certains de ses protistes. Et donc là, c'est parti, il les quittera plus jamais. Ce qui est très intéressant, Catherine Jessu, dans le parcours d'Edouard Chaton, c'est que il y a évidemment cette passion que vous décriviez, mais aussi une espèce, un sens de l'audace dans ses choix de carrière et dans ses choix de parcours, parce que là, il est dans un cadre universitaire assez classique, la Sorbonne, dans un cadre bien établi, et puis il va faire un premier virage, il va aller à l'Institut Pasteur. Pourquoi est-ce que ce choix-là peut être surprenant pour l'époque, et pourquoi ça va être un pari gagnant? Oui, alors ça c'est une des grandes caractéristiques de Chaton, il va faire plusieurs choix comme ça dans sa vie, qui obéissent toujours à la même idée, c'est choisir l'endroit où j'aurai les meilleures conditions et la plus grande liberté pour effectuer mon travail de recherche qui me passionne. Alors pourquoi Pasteur, effectivement, pourquoi l'Institut Pasteur en 1907? Ça peut paraître surprenant parce qu'il a démarré sa thèse à Banyuls, qui est vraiment l'endroit où on a les pieds dans l'eau et dans les protistes. Et pourquoi aller à l'Institut Pasteur? Alors pour déjà pourquoi l'Institut Pasteur tout d'un coup recrute un protistologue? En 1907, il y a un prix Nobel dont on n'a pas parlé, qui est Laveran, qui est un pasteurien qui vient d'avoir le prix Nobel parce qu'il vient de découvrir l'agent du paludisme, qui est un protiste. C'est Plasmodium, et ça c'est un gros bouleversement parce qu'on pensait que les agents pathogènes c'était des bactéries, des virus, et tout d'un coup voilà les protistes qui occupent le devant de la scène comme agents pathogènes. Donc l'Institut Pasteur veut recruter des protistologues, et comme Édouard Chaton, déjà à ce jeune âge de 23 ans, il a déjà fait des découvertes fracassantes en début de thèse, il intéresse l'Institut Pasteur. Et pourquoi l'Institut Pasteur l'intéresse? Parce que bon, ça paraît surprenant, effectivement c'est pas l'université, c'est loin de la mer. Et en fait, ce qui l'intéresse premièrement, c'est que l'Institut Pasteur a des très bonnes conditions de travail et des moyens, beaucoup plus que dans les universités. Donc, ces laboratoires sont riches et sont modernes. Et surtout, l'Institut Pasteur a mis au point, enfin, met au point une approche technique qui est très nouvelle pour l'époque, qui sont les cultures cellulaires. Donc, pour Édouard Chaton, c'est très très important. Il a déjà compris que il est pas un naturaliste. Regarder les protistes s'agiter sous son microscope au milieu de plein d'autres protistes, ça n'est pas possible. Et donc, il rentre à l'Institut Pasteur vraiment pour apprendre et mettre au point les cultures, la technique de culture cellulaire et de culture cellulaire pur, avec dans l'idée qu'il va pouvoir avoir, par exemple, son protiste préféré qu'il est en train d'étudier, à disposition, seul, dans ses flacons. Il va pouvoir l'étudier en laboratoire, sans crainte qu'il y ait une contamination par d'autres êtres vivants. Et donc, il va pouvoir manipuler et être le maître du milieu, changer les conditions de milieu, voir comment ça réagit, etc. Donc, faire des expériences, ce qui, à l'époque, n'était pas encore, en France en tout cas, forcément très très répandu. L'université était relativement conservatrice, toujours peuplée de beaucoup de naturalistes qui se contentaient de l'observation sans vraiment intervenir. Donc ce choix de l'Institut Pasteur, c'est pour Chaton, c'est se donner vraiment les moyens d'étudier parfaitement, rigoureusement, par les techniques de culture, ces protistes. Vincent Laudet, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, Édouard Chaton incarne une bascule épistémologique qui se situe au tournant du XXe siècle dans la biologie et dans le rapport au monde vivant, qui n'est plus seulement un rapport de description, mais un rapport d'expérimentation. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce contexte-là dans lequel évolue Édouard Chaton? Bah oui, alors avant de répondre à votre question, juste pour rebondir sur ce que disait Catherine, il y a sur les cultures et leur importance. Je parlais tout à l'heure de Monod. Il y a une lettre de Jacques Monod à propos des cultures de Chaton où il écrit la pureté de vos cultures, j'y crois plus qu'à l'évangile de mes pères. Pour vous donner une idée de l'impact et de l'importance de Chaton sur cet aspect. Alors pour vous répondre à votre question, dans les recherches d'Edouard Chaton, ce qui est intéressant, c'est que au départ, on est dans la lignée du 19e et des grandes expéditions naturalistes. Les gens ont décrit la biodiversité terrestre, tropicale, marine de plus en plus, Et puis, la génération d'Edouard Chaton s'aperçoit que cette diversité, elle est encore plus immense à l'échelle des micro-organismes et plus complexe, plus incroyablement différente de tout ce qu'on pouvait penser. Et donc, ils sont saisis par à la fois la beauté et la quantité des formes à décrire. Et effectivement, ce qui est intéressant chez Edouard Chaton, c'est que très très vite, il ne va pas se contenter de décrire. Il considère que ça n'est pas suffisant, même si il a décrit de nombreuses espèces de protistes, évidemment. Mais il veut comprendre. Il veut comprendre leur cycle de vie. Il veut comprendre comment elles fonctionnent. Et ça, c'est effectivement pour l'époque une très grande nouveauté. Et ça va guider toute son approche. Et ça va aussi guider les innovations méthodologiques très importantes qu'il va faire tout au long de sa carrière, toujours dans ce but de comprendre comment ça marche. On reviendra bien sûr tout à l'heure aux apports considérables d'Edouard Chaton à la connaissance de ses protistes et du monde vivant en général. Mais avant cela, alors Catherine Jessieu, on n'a pas forcément le temps d'évoquer tout le parcours d'Edouard Chaton. Il est quand même, on parle du début du XXe siècle, donc période éminemment instable. Il est envoyé au front, blessé. Il sera envoyé en Tunisie à l'Institut Pasteur de Tunis. Puis là, il continuera ses travaux. Il revient en France et c'est là qu'il commence à enseigner. Je crois qu'il part à Strasbourg, et c'est là que qu'apparaissent les premières planches, ces fameuses planches murales d'1m60 sur 1m10. Il y en avait 125, Vincent Laudel rappelait tout à l'heure, on en a retrouvé 72. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Et on va en partager quelques-unes sur Twitter, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Qu'est-ce qui vous marque, vous, le plus, quand vous êtes confronté la première fois à ces images-là? Donc, c'est les couleurs, je pense, les couleurs, et puis le foisonnement. On a l'impression que ces planches, ça foisonne de choses comme ce qu'ils voyaient sous le microscope. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que c'était des planches qui étaient faites pour son enseignement. Parce qu'il est devenu professeur à l'Université de Strasbourg, un autre choix tout à fait incroyable, de passer de Pasteur à l'Université de Strasbourg. Il se rapprochait pas vraiment de la mer, mais il avait des raisons très fortes, notamment il a acheté sa liberté intellectuelle de choisir ses sujets d'études et de pas ne faire que de la recherche appliquée comme un Pasteur. Et donc il fait ces grandes planches pour les étudiants. L'essentiel de ces cours, c'est un peu ces sujets de recherche. Donc il y a énormément de protistes sur les planches, mais il y a toute une catégorie de planches qui sont aussi, il enseignait la génétique mendélienne, il enseignait l'organisation de la cellule, la division de la cellule. Donc il y a des planches beaucoup plus sur des sujets beaucoup plus classiques de son enseignement, c'est la minorité, qui sont tout autant absolument mais colorés et avec tout un ensemble. Enfin, ça, c'est vraiment. On croirait presque que Kandinsky s'est mis à la biologie. Quoi. Il y a vraiment un truc très saisissant. À noter que nous avons une planche mystère, parce qu'on a mis beaucoup de temps à essayer de savoir quels étaient le sujet de ces planches, parce qu'on n'avait que un titre, et encore avec pas le numéro de la planche, donc c'était un vrai puzzle. Et il y en a une. La planche 26 qu'on va partager sur Twitter à l'instant. Voilà. Si quelqu'un a une idée de ce que reproduit cette planche, on peut la décrire. On est preneur. Ouais. Voilà, c'est une planche très géométrique sur fond noir. Il y a un très très joli bleu et des lignes jaune paille qui scindent le bleu qui sort du fond noir et donc il y a des assemblages de triangles traversés par des lignes. Donc c'est très mystérieux. Enfin, moi, j'ai une hypothèse. Donc, alors, quelle est-elle, cette hypothèse? Dans la légende, je me demande si c'est pas le schéma de construction de la frustule, c'est-à-dire la petite coque qui entoure les diatomées. La coque siliceuse qui entoure certains des protistes, beaucoup de protistes d'ailleurs. Et donc je me suis demandé si c'était pas destiné à montrer l'assemblage, comment la cellule assemblait sa coque. Mais bon, bon, c'est tout est et notamment il y a un protiste qui s'appelle Bidulfia et je me demande si c'est pas la coque de Bidulfia. Voilà. Alors l'enquête se poursuit. Vincent Laudet, on entendait Catherine Jessu parler d'un puzzle à reconstituer. Alors comment vous vous y êtes pris pour reconstituer ce puzzle dans le livre Les Vies minuscules d'Édouard Chaton et voilà quel travail vous avez réalisé de réattribution de ces planches au bon protiste. Ben alors, d'abord, je veux saluer que Catherine a fait une immense part de ce travail. Hein. Franchement, elle m'a impressionné sur cet aspect des choses. Alors, ce qu'on a fait, on a pris les quelques informations dont on disposait, parce qu'il y avait quand même quelques anciennes expositions qui avaient été faites dans les années 60-70. Il y avait des listes de planches. Donc, on avait des planches, on avait des listes. Donc, il y avait des choses qui quand même pouvaient coller. Et puis, alors Catherine a passé des heures vraiment sur les publications scientifiques d'Édouard Chaton, son volumineux titre et travaux, qui ont permis de retrouver certains, de mettre en cohérence certaines planches et certains dessins. Et il dessinait tout le temps dans ses articles, donc ça a permis d'avancer comme ça. Il y a eu aussi un gros travail d'enquête sur les noms, parce que les noms que Édouard Chaton utilisait à l'époque, eh ben, ne sont plus du tout les noms qu'on utilise maintenant. Donc, on a aussi voulu faire en sorte que les planches soient actuelles le plus possible pour qu'elles puissent être éventuellement utiles aux chercheurs de maintenant. Donc, effectivement, ouais, ça a été une longue enquête. Et nous y sommes parvenus pour toutes, en espérant qu'on n'ait pas fait d'erreur, mais je ne pense pas. A priori, on peut vous faire confiance. Et sauf la planche mystère. La planche voilà. 26, la fameuse planche mystère, ouais, qui est en plus vraiment, c'est vrai qu'elle est très énigmatique, mais ne serait-ce que par ses formes très géométriques, alors que tout le reste est fait de courbes, de formes plutôt rondes et de lignes harmonieuses. Catherine Jessu, on parle beaucoup de l'aspect esthétique de ces planches. Elles ont été réalisées à la craie et au pastel, dans des conditions propres au XXe siècle, qui sont bien loin de la précision qu'on peut atteindre aujourd'hui, notamment avec les outils numériques. Quelle est leur valeur scientifiques, pédagogiques, au-delà de leur valeur esthétique? Alors, effectivement, c'est des planches qui sont faites pour les étudiants, donc les êtres vivants qui sont représentés sont schématisés. C'est pas du tout, parce que en fait, Chaton était un super grand dessinateur, et dans ses articles, c'est lui-même qui faisait ses dessins, et donc là, c'est la précision du trait dans les articles, les légendes, etc. Là, le côté esthétique vient, je pense, du fait que c'est schématisé, il met des couleurs pour vraiment faire de la pédagogie qui sont pas les véritables couleurs du tout. Mmh. D'où cet aspect irréel qu'on a, parce que c'est à la fois de la science, parce que c'est de l'enseignement de la biologie, mais à la fois il s'en est éloigné pour faire des grands schémas, et du coup il faut absolument mentionner le fait que c'était un dessinateur hors pair, tous les biologistes ne l'étaient pas à l'époque, et il avait un talent de peintre aussi, hein, c'était un hobby, et donc il avait un bon coup de pinceau. En fait, on est devenu amis avec les petits-fils d'Édouard Chaton, et donc chez André Bichler, on a vu les tableaux, l'étoile. Donc on s'est aperçu qu'effectivement il avait un talent, et donc il a dû utiliser ça pour faire des, enfin sans le savoir, peut-être inconsciemment, mais ça a donné un côté à ces planches où on sort de la science. Et il a passé énormément de temps à étudier comment faire pour que ces planches soient préservées d'une année sur l'autre. Donc j'ai trouvé dans sa correspondance des échanges avec un marchand de couleurs parisien qui, sur le vernis, elles sont recouvertes d'un vernis, et donc Chaton visiblement lui demandait comment fabriquer le vernis pour que ça craquelle pas, que ça soit bien transparent, et il y a une dernière lettre où le coloriste parisien lui dit je suis content que vous soyez content du résultat, c'était bien d'ajouter tel truc dans la sauce, etc. Donc en fait il a beaucoup investi dans ces planches, c'est pas des planches qui ont ont été faites, crayonnées à la hâte. Hein. Il a vraiment passé du temps là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces planches, c'est d'une certaine façon la partie émergée de l'iceberg de toute l'amplitude des connaissances qu'a pu établir Édouard Chaton. Et ces connaissances, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et les décrire, ce sera juste après ça. Microbiology par Burgers of Beef dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure d'un grand nom de la biologie qui a failli tomber dans l'oubli, Édouard Chaton. Et nous en parlons avec Catherine Jessu, directrice de recherche CNRS au sein du laboratoire de biologie du développement à l'Institut de biologie Paris-Seine de Sorbonne Université. Nous sommes également en ligne avec Vincent Laudet, professeur de biologie marine à l'Institut de sciences et technologies d'Okinawa au Japon et à l'Académie Sinica à Taïwan. Je rappelle que vous êtes tous les deux co-auteurs aux éditions du CNRS du livre Les vies minuscules d'Édouard Chaton. Alors Vincent Laudet, je le disais avant la musique, que les planches d'Édouard Chaton sont d'une certaine façon la partie émergée de toutes ces connaissances qu'il a pu établir dans le domaine de la biologie. Est-ce qu'on peut parler d'abord peut-être un petit peu, comment s'appelle la méthode scientifique, de la méthode Édouard Chaton? Quelle est cette méthode? En quoi est-ce qu'elle est innovante pour l'époque? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure. Une première chose vraiment innovante et importante autour d'Édouard Chaton, c'est d'avoir fait des cultures, c'est-à-dire d'avoir voulu isoler dans un milieu le plus simple possible des protistes pour pouvoir les étudier à disposition et pour pouvoir suivre leur vie dans le détail. Et ça a été vraiment quelque chose de tout à fait critique, parce que ça lui a permis de simplifier et du coup d'avoir accès aux organismes même et pas simplement de les décrire. Ensuite, il a eu un certain nombre d'innovations techniques tout à fait fascinantes et absolument déterminante, et notamment une méthode de préparation des protistes, une coloration argentique qui permet de révéler des détails extrêmement précis de leur anatomie et donc de comprendre comment ils sont structurés, comment ils sont faits, et de suivre leur morphologie dans les différents cycles, dans les différents stades de leur cycle de vie. Et cette méthode a véritablement révolutionné l'étude des protistes, et c'était vraiment à Chaton qu'on le doit. Chaton, il était très très habile de ses mains, il fabriquait vraiment des outils qui ont apporté beaucoup à ses observations. Catherine Jessu, de l'autre côté, donc le pendant théorique, en tout cas dans l'approche d'Édouard Chaton, il était assez visionnaire, il était assez d'avant-garde, il était très précurseur d'une certaine façon de l'interdisciplinarité. Je vous lis une phrase qui disait: la subordination de plus en plus étroite des sciences biologiques aux sciences physiques est le trait le plus caractéristique de leur évolution récente. Il n'est pas question où le chercheur ne se heurte aujourd'hui à un problème physico-chimique et souvent mathématique. Hormis le classificateur, il n'y aura plus dans l'avenir de naturalistes qui puissent se dispenser d'une initiation physico-chimique et partant mathématique. Ma lecture était désastreuse, mais j'en reviens à ma question quand même. Est-ce que Édouard Chaton était un précurseur de l'interdisciplinarité? Oui, alors ça, c'est dans un rapport qu'il a fait sur l'enseignement. C'était très, très, très précurseur. Hélas, il n'y a pas un mot à changer parce que on a fait quelques progrès, mais pas suffisamment. Et donc, on peut reprendre ça, effectivement, pour faire des bons naturalistes et ensuite en recherche. C'est clair qu'il faut de l'interdisciplinarité. Il en a fait, notamment au niveau, il était intéressé par la chimie. Il a mis ça à profit de temps à autre, dans ses inventions aussi, qui dépendaient beaucoup de la physique et de la chimie, différentes méthodes, différents même appareils qu'il a créés. Mais je pense qu'effectivement, il était très visionnaire. Il a apporté beaucoup d'un point de vue théorique, parce que il avait une capacité rare à faire jaillir à partir de toutes petites observations une vision globale du monde vivant, à synthétiser, à conceptualiser. Donc ça, c'était assez, assez fort. Et je pense qu'il a beaucoup apporté dans les aspects, bien sûr, de comment est organisé le monde vivant avec cette histoire de prokaryote, eucaryote. Je pense qu'il a été un pionnier véritable en biologie cellulaire aussi. Et donc ces histoires de prokaryotes, eucaryotes, c'est typique de la vision de cet homme, parce que ça commence par le bassin des crocodiles du jardin des plantes, où il a pêché une nouvelle amibe. Il était toujours avec des piluliers pour prendre un bout de flaque quelque part pour regarder ce qu'il y avait dedans. Et il y a une amibe qui lui pose problème. Elle lui pose problème parce qu'il n'arrive pas à la classer dans l'arbre du vivant, à savoir si elle est plutôt de cette famille-ci ou de cette famille-là, si elle dérive de ceci, si elle dérive d'autres protistes, qu'est-ce qu'elle a pu donner. Il l'appelle d'ailleurs Perplexa. Pense pour elle à Perplexa, et à partir de cette amibe du bassin au crocodile, il dessine, à force de réfléchir sur la phylogénie et l'arbre généalogique du vivant, à partir de cette amibe, il dessine tout un arbre du vivant, et il part des bactéries en disant c'est le plus simple, je vais les appeler prokaryotes. Et puis, ça donne des cellules beaucoup plus évoluées à partir des bactéries, qui sont toutes les cellules qui vont avoir une compartimentation intracellulaire, ce que n'ont pas les bactéries. Celles-là, je vais les appeler eucaryotes. Et il publie ça en 1925. Ça fait 80 pages. C'est sur Pansporella perplexa. Et ça finit par un arbre phylogénétique qui a beaucoup changé depuis, mais qui a quand même bien l'allure de ce qu'il faut. Et il a proposé et créé les mots prokaryote et eucaryote. Maintenant, c'est enseigné partout et ça a fourni un cadre à la biologie. Effectivement, il y a deux grands types cellulaires qui fondent le vivant. Ce sont les prokaryotes, qui n'ont pas de compartimentation intracellulaire, et les eucaryotes qui en ont une. Et les noms et cette vision cellulaire du monde du vivant, c'est Édouard Chaton. Mmh. C'est enseigné dans tous les collèges, c'est universel maintenant, puis personne ne pense autrement. Vincent Laudet. Alors moi j'ai une petite histoire sur cette distinction prokaryote eucaryote. Elle est comme l'a dit Catherine, elle est consubstantielle à la biologie. Enfin on apprend ça dans les toutes premières années, voire même maintenant je pense au lycée. Et tout le monde a oublié que c'est Édouard Chaton qui a posé cette distinction la première fois. À tel point que lorsqu'on a fait le livre, on a demandé à Tim Hunt, qui est un prix Nobel de médecine sur le cycle cellulaire et qui travaille ici à Hoest au Japon, on lui a demandé une préface. Et alors il me dit, mais c'est qui ce Édouard Chaton, etc. Ben, je lui dis, c'est celui qui a découvert, qui a nommé les eucaryotes et les prokaryotes. Il me dit, ah ben non, je le saurais. Et il me dit, reviens dans une semaine. Il cherche pendant une semaine, hein, et on se retrouve. Il me dit, mais Vincent, tu as raison. C'est incroyable, je ne savais pas. Comment peut-on avoir oublié ça? Eh bien, tout le monde a oublié, mais c'est Édouard Chaton qui a posé la distinction eucaryote-prokaryote. Et ce qui est saisissant, Vincent Laudet, c'est qu'à cette époque-là, Édouard Chaton aussi s'oppose quand même pas mal à certains dogmes scientifiques, à une certaine doxa. Là aussi, c'est l'une de ses grandes forces en tant que scientifique. Oui, bah alors il a toujours eu des opinions, il a toujours eu des choses qu'il voulait démontrer. Et ce que moi je trouve absolument fascinant, c'est qu'il a toujours voulu le démontrer avec des faits précis, avec des manips, des expériences bien faites. Et donc il s'est opposé à plusieurs de ses collègues de par le monde qui sautaient un peu trop vite aux conclusions, qui n'avaient pas forcément toutes les observations aussi détaillées que lui pouvait le faire pour arriver à leurs conclusions. Et du coup, oui, il n'a pas hésité à avoir des polémiques, parce que c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, mmh. et qui croyait beaucoup à ce qu'il faisait. Donc, effectivement... Il avait de l'opinion, oui. Alors, puisque vous parlez de manip et d'expériences bien faites, on en vient à présent au reportage du jour. Les seuls éléments physiques qui sont associés aux descriptions d'Édouard Chaton se trouvent aujourd'hui dans les collections de protistes au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Et donc, c'est le sujet du reportage du jour. Bonjour Alexandra Delbo. Bonjour Antoine. Vous vous êtes rendu au muséum et vous avez eu la chance d'observer quelques-unes de ces lames. Oui, j'ai rencontré Philippe Grélier, chercheur sur les protistes et conservateurs. Et il faut savoir que le CNRS a hérité dans les années 60 de plus de 300 boîtes contenant ces fameuses lames de microscope, c'est-à-dire des échantillons de ce qu'a pu observer Édouard Chaton il y a près de 100 ans. Et ces collections ont été mises de côté, stockées pendant près de 40 ans au muséum, 40 ans avant que l'on entreprenne de faire leur inventaire. Et c'est ce chercheur qui s'en charge. Cela consiste à trier, étudier et analyser toutes les informations de ces lames, et la prochaine étape, et pas des moindres, est de pouvoir extraire de l'ADN présent dans ces lames pour obtenir des informations génétiques de ces spécimens. Donc les collections protistes au muséum, en fait, on peut les séparer en deux catégories. Les collections dites inertes, en fait, historiques, on va revenir dessus pour Édouard Chaton, et des collections qui sont plus actuelles, qui sont constituées de spécimens isolés de terrain, mis en conservation par cryocongélation ou en culture, ou alors simplement l'ADN est récupéré pour les besoins de la recherche actuelle. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est juste, je dirais principalement les collections d'Édouard Chaton, donc ce sont des collections dites historiques. C'est une collection que le muséum a héritée dans les années 60, et cette collection en fait retrace les principaux travaux d'Édouard Chaton. C'était constitué d'environ, je dirais, 300 boîtes identifiées avec des lames dedans. Ces collections, elles n'ont pas été réellement travaillées. Elles ont été stockées pendant plusieurs décennies. Et donc, dans les années 2000, au début des années 2000, quand nous avons constitué cette collection de protistes du muséum, on a entrepris l'inventaire de ces collections. Ce qui m'a permis de me plonger dans les travaux d'Édouard Chaton, que je connaissais, mais de découvrir l'ampleur de son travail scientifique. Ça a été vraiment un élément, pour son époque, remarquable. Parce que Chaton, en fait, à l'époque, il décrivait leurs espèces par un simple petit dessin. Par exemple, si on prend, je vais ramener justement les monographies qu'il a fait. Là, vous en avez un exemple tout à fait de monographie, où en fait, tout est bien dessiné, mais c'est la seule trace que l'on a des spécimens qu'il a décrits. Et nous, on découvre dans les collections les lames qui ont permis de faire ces dessins. Et donc, c'est la seule trace qu'on a physique du travail qu'il a réalisé. Alors, l'inventaire de Chaton a été commencé en 2003. On en a fait à peu près 70%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'on ouvre toutes les boîtes, qu'on fasse un premier inventaire pour identifier les lames. Donc, ça veut dire donner un numéro. Ensuite, on reprend, une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'on a déjà fait, il faut reprendre chaque boîte et regarder les lames pour voir s'il y a un intérêt ou non, s'il y a des inscriptions dessus qui identifient quelque chose. Alors je vais vous montrer en fait ce que c'est qu'une collection de protistes. Tout est dans cette armoire. Alors, on est en plein inventaire. Ça veut dire que les boîtes d'origine, ce sont ces petites boîtes-là. Quand je disais qu'il y avait 300 boîtes, il n'y a plus de 300 parce qu'on est à 332. Des boîtes en bois. En bois, là, elles sont très bien. C'est très joli. Et dedans, vous avez des lames, comme ça. Donc, c'est un morceau de fer, un plat, dans lequel, là, l'échantillon est déposé, travaillé. Et pour le protéger, pour certaines, une grande partie de ces spécimens, on recouvre d'une lame avec une résine qui la maintient. Cette boîte-là, je ne sais pas ce que c'est, la boîte 184. Donc, c'est des boîtes qu'on a numérotées, inventoriées, la même chose. Hein, les lames ont toutes un numéro. Et c'était les urozolaires que Chaton a décrit dans sa carrière. Alors, on observe ça au microscope. On va prendre une lame au hasard. Hein. Alors là, Chaton, il avait écrit Spirophria subparasitica, introfonde, donc c'est un stade bien donné, fait en 1931, le 8-31. Par contre, là, il a pas mis l'endroit, mais il a mis 3+, donc c'était pour lui une lame de qualité. Et là, donc, on a nos indications, nous, qui nous permettent de retracer l'origine de la lame. Donc, la difficulté, c'est de faire la mise au point. Le problème, c'est que ce sont des organismes très petits et qu'il faut trouver... Voilà, donc là, je vois ce que... Bon, je suis habitué, je sais ce qu'il faut voir. Vous voulez voir? Je vous mets un petit grossissement, c'est du 10 fois, plus 10 fois ici, donc ça fait 100 fois. Et vous me direz ce que vous voyez. Alors, je vois un petit rond avec des traits derrière. Voilà, c'est des petits points, en fait, qui font des spires, comme ça. C'est la base de la ciliature. Donc, en fait, il faut imaginer qu'à chaque petit point, en fait, c'est des points, il y a un cil... Et puis là, c'est des lames qui ont presque un siècle maintenant. Vous voyez, c'est top. Hein. Donc au niveau de la conservation, siècle, c'est parce que les techniques étaient très bonnes, parce que la conservation... Ouais, surtout que avant, on n'avait pas, avant le 20e siècle, le 19e siècle, on débutait à la microscopie. J'ai des lames qui ont du 19e siècle ici, hein, d'un autre protistologue. Mais c'est quand même vieux pour moi, pour les protistes. Un des challenges de ces études-là, c'est que Édouard Chaton a étudié certaines espèces il y a 100 ans avec des espèces particulières. Et l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin et savoir exactement quelle était l'espèce il y a 100 ans et donc de pouvoir faire des études notamment génétiques. Le problème avec toutes ces espèces qui ont été décrites, je dirais dans les temps anciens, il y a un siècle, hein, c'est qu'on n'a aucune donnée moléculaire de ces spécimens. Le fait d'avoir ici, dans nos collections, des spécimens solides, physiques, et comme toutes les méthodologies, les techniques d'extraction d'ADN, d'amplification, de séquençage se sont considérablement améliorées, donc notre challenge, nous, à l'heure actuelle, c'est de pouvoir essayer, à partir de ces lames, en extraire l'ADN de quelques-unes, et voir si on peut tirer une information génomique, génétique, qui nous permettra d'attribuer ces données moléculaires à cette espèce, ce qui n'a encore jamais été fait, quoi. Voilà pour ce reportage au Muséum National d'Histoire Naturelle dans les collections liées à Édouard Chaton. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Catherine Jessu? Oui, en fait, ça me touche beaucoup d'entendre parler de ces lames, parce que quand Édouard Chaton a eu un AVC en 46, et il a été inconscient pendant un certain nombre de mois avant de décéder. Donc, en fait, sa mort a été brutale. Il s'est pas rendu compte que voilà. Et du coup, il y a une correspondance très touchante entre André Lvoff et la veuve d'Édouard Chaton, son épouse, sur ses collections de lames. Et donc André Lvoff écrit à Marie Chaton pour lui expliquer qu'il a trouvé le CNRS pour héberger ses lames et qu'il faut qu'elle les range dans des boîtes, et lui explique qu'elle doit contacter tel technicien et mettre un petit film surtout de gaz avant de fermer la boîte pour protéger les lames, pour les transporter à Paris au CNRS. Et donc tout d'un coup d'entendre que Philippe Grelier est en train d'ouvrir ces mêmes boîtes, voilà, c'est assez émouvant. On en revient également voilà, à cette qualité, cette grande qualité du travail de préparation de ces échantillons propres à Édouard Chaton. Vincent Laudet, voilà, l'héritage d'Édouard Chaton, il continue de vivre, il faut continuer de le faire vivre. Aujourd'hui, quelles sont les priorités concernant cet héritage matériel? Là, on parle des lames, par exemple. Alors, c'est très important de dire qu'effectivement, il y a un patrimoine historiques dans les laboratoires qui sont les collections, comme Philippe Grelier l'a bien montré là dans le reportage, mais qui sont aussi les photos, les correspondances, tous ces documents que dans notre science de l'immédiateté, on a un peu tendance à se dire souvent « Oh, ben c'est vieux, ça n'a plus de valeur ». Si, si, ça a une grande valeur, notamment pour retracer l'histoire des découvertes scientifiques et puis pour avoir des bases sur certains organismes qu'on a décrits il y a très très longtemps et dont il faut parfois essayer de comprendre comment ils ont été découverts. Alors oui, il y a effectivement toute une actualité autour de ça. Bon, il faut dire que les planches de chaton sont des objets extrêmement fragiles qui ont subi les vicissitudes du temps. Et quand j'étais directeur de l'observatoire à Banyuls, j'ai essayé de trouver des fonds pour les restaurer convenablement et les sauver. Et j'ai pas réussi. C'est un dossier qui est toujours ouvert. Je pense qu'elle mérite largement une restauration. Donc il faudrait s'y intéresser. Ensuite, il faut vraiment dire que la recherche sur les protistes à l'heure actuelle est absolument foisonnante. Mm-hmm. Il faudrait une émission entière pour simplement toucher la surface. Bien sûr, parce quand on parle des protistes, on parle quand même de la matière noire du vivant. Ça comporte 75% des eucaryotes. Enfin, c'est immense. C'est immense. Et puis alors, c'est surtout que notre ignorance est immense. Mmh. C'est-à-dire que on découvre des groupes entièrement nouveaux de protistes dans une flaque d'eau à Paris. On en est encore là. C'est-à-dire que si on prend les poissons, on découvre des nouvelles espèces de poissons, mais on découvre des nouvelles espèces de poissons dans les abysses, dans un récif de corail très éloigné, dans l'océan profond, que sais-je. Mais les protistes, on en découvre des nouveaux tous les jours devant nous. Notre ignorance est abyssale, malgré l'extraordinaire travail qui est fait dessus. Donc oui, c'est absolument fascinant. Et alors, vraiment, Édouard Chaton serait fasciné, ravi de voir tout ce qui sort ces dernières années sur ces organismes. Catherine Jessu, est-ce que justement cet aspect un petit peu précurseur d'Edouard Chaton a été confirmé? Est-ce qu'il a eu des intuitions scientifiques qui ont été confirmées avec les moyens d'observation qu'on a aujourd'hui? Oui, tout à fait, tout à fait. Par exemple, sur la genèse des cils et des flagelles dans les cellules, comment ça se forme, hein, parce que chez les protistes, il y a des protistes qui ont des cils, et à certains moments de leur vie, ils n'en ont pas, ils vont se diviser, ils vont reformer une cellule qui a des cils très très très bien organisés, et là, le dogme en vigueur à l'époque, c'était que c'était un assemblage obéissant aux lois de la physico-chimie, donc c'était de l'auto-organisation, c'est tout. Et lui a montré qu'en fait, une cellule qui n'a pas de cils, et qui va donner une cellule par division qui va en avoir. En fait, il y a une continuité entre la cellule mère sans cils et la cellule fille qui va en avoir sous la forme de petits granules qu'on connaît maintenant très très bien, qu'on appelle les centrosomes, et qui sont en fait hérités de la cellule mère. Donc ça, c'était très précurseur, c'était pas intuitif, et c'est quelque chose maintenant qu'on sait très bien. Et que vous montrez très bien dans ce très beau livre « Les vies minuscules » d'Edouard Chaton, qui est paru aux éditions du CNRS. Merci beaucoup à tous les deux, Catherine Jessu, Vincent Launay, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Une annonce pour finir, France Culture inaugure une nouvelle collection de podcasts originaux qui permettent de comprendre l'histoire des virus, des épidémies, des pandémies historiques et actuelles. La première saison de ces mécaniques des épidémies par Renaud Pierrot et Clément Nouguet est consacrée au choléra en Haïti entre 2010 et 2019. Le tout est disponible dès aujourd'hui sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. La saison 2 à venir en mai sera consacrée au VIH, puis il sera question de Covid et de grippe. Voilà pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Daguet de Saint-Vulfranc, Amel Boucherka, Eve Etienne, Alexandra Delbo, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon. Vous pouvez nous retrouver sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.